le silence lourd, le bayou respire, les ombres s'étirent, les âmes chavirent. Riders qu'il avance, silhouette dans la brume, sur Twitch, les drops tissent leurs costumes. Le vent murmure, la nuit s'éveille. Chaque note, une histoire. Les pas s'enfoncent dans la terre molle. Le chant des grillons loin s'envole. Riders Kill sent le poids du combat. Chaque drop une lumière, un éclat. Les arbres dansent sous un ciel voilé. La foi brûle jamais effacée. Sur Twitch, la foule retiens son souffle dans cette nuit, la bataille s'essouffle. Les voix s'élèvent dans la pénombre. Un gospel doux fend la nuit sombre. Les cœurs unis par un chant sacré. Dans chaque drop, un espoir gardé. Riders Kill marche la foi en bannière. Dans la lutte, la lumière entière. Sur Twitch, la communion s'installe. Chaque note ouvre une nouvelle salle. L'espoir à l'histoire, chaque drop éclaire les ténèbres. Dans le chaos, il trace la fibre. Sur Twitch, la foule s'embrasse. Dans chaque battement, la chasse. Le feu sacré rallume la flamme. Dans cette nuit, il tient son âme. On reconstruit les ruines fumantes. Chaque épreuve devient champ brûlant. La voix monte invincible, claire. Dans le gospel, la lumière éclaire. Riders Kill veille fort et juste. Sur Twitch, il rallume la boussole. Chaque drop, un vent. Les ténèbres fuient, le jour revient. Riders Kill chante toujours serein. La force vit dans chaque voix. Dans cette nuit, il est la loi. La bataille gronde, le cœur s'emballe. Riders Kill avance, jamais ne s'étale. Chaque drop un cri de victoire. Sur Twitch, la foule célèbre l'espoir. Les voix s'unissent en cœur puissant. La musique est un cri brûlant. Le son uni, la force grandit. Dans cette nuit, l'espoir survit. Echoes rise from the swampy night. Riders Kill leads with fearless light. Drops fall like rain, hearts afire. Together strong, we climb higher. Twitch's call, a sacred sound in every. l'aube revient. Rider Skill s'en va, le combat tient. Sur Twitch, les drops tombent encore. Dans ce monde, il écrit l'aurore.